Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, ou plutôt un petit dialogue intérieur, qui s'appelle « La maison sans toit ». C'est écrit par Marie-Hélène Lafont. Elle est parue aux éditions Buchel-Chastel. Marie-Hélène Lafont est née en 1962 dans le Cantal. C'est une fille de paysan. Elle est professeure agrégée de français, de latin et de grec. Son département d'origine, le Cantal, et sa rivière, la Santoire, sont le décor de la majorité de ses romans. Quand j'écris, je rejoins mon vrai pays. C'est très intestin, très organique, comme malaxer la viande. Elle reçoit de nombreux prix. Renaudot des lycéens, Marguerite Audoux, Goncourt de la Nouvelle et prix Anverne. Voilà, voilà, je commence. La maison sans toit. Ils trouveront tout. Après, j'ai bien chaud l'hiver. Ils ont beau dire, ils peuvent tournicoter et fouinasser. C'est la maison sans toit ici, depuis 4 générations. Et ça tient encore, ça tient debout. C'est propre, c'est chaud l'hiver. Il sait y faire, le vieux. C'est tout sec comme du bois, jamais malade. Droit, sec, net rasé chaque matin avant 8 heures. Et les habits repassés. Des habits pour 1000 ans, il a le vieux. Il use pas, il use plus rien. Des habits, des draps, des serviettes, ce qu'il faut, tout dans l'armoire pour 1000 ans. Ils trouveront après, ils les trouveront. Ils voudraient qu'une femme vienne pour le ménage. Ils disent quelques heures par semaine. Un homme tout seul, il faut ça pour le confort. Une personne qui viendrait et la compagnie. Quand même savoir les nouvelles, parler un peu avec une personne du pays qui connaît les gens, ils disent. Laissez dire. Le vieux signe pas le papier pour la demande. Pour manger, ça va. Ils portent le repas chaud une fois par jour. Ils entrent que dans la cuisine. C'est une personne de la mairie, une femme jeune. On ne sait pas d'où elle sort, si elle est d'ici ou pas. Elle voit que c'est tenu, que le vieux est propre et debout, bien réveillé, avec la télé tout normal. Il fallait dire oui pour les repas, pour cette aide, pour faire semblant d'avoir l'air comme les autres et rester tranquille. Qu'ils viennent pas me prendre pour m'emmener ailleurs, dans une maison, comme ils disent. La maison sans toit est ici. Les sans toit partent pas. Ils ont l'orgueil. Ils meurent dans cette maison. On trouvera tout. Ils me laisseront tranquille si j'ai l'air normal, propre, bien tenu. Il faut sortir un peu chaque jour, aller marcher à la même heure le long de la route. On me voit. Ils passent en voiture. On sait qui je suis. Sortir, ouvrir les volets des 2 fenêtres, acheter 3 bricoles au camion, prendre le journal du jour dans la boîte, le déplier sur la table à la page des avis d'obsèques. Pour si quelqu'un vient et entre, il verra. Il pourra dire aux gens de la mairie que le vieux santoire fait bien son train, qu'il se suffit, qu'il s'intéresse, que c'est pas la peine, qu'il n'a pas besoin. Seulement, le repas chaud à midi, comme les autres vieux de la commune qui sont seuls dans les maisons. C'est difficile pour la voiture. Il faut pas lâcher. Il viendrait. On partirait, on serait obligé. Les bras, les jambes sont lents pour se déplier. C'est difficile pour tourner à droite, à gauche, le clignotant, regarder tout ce à quoi il faut penser pour prendre le nouveau rond-point dans le bon sens à l'entrée de Riom. Après le vieux, ce vieux, c'est terminé, cuit. Ils entreront dans la maison. Des gens, des cousins de loin, des héritiers du côté de la mère en remontant à sa mère ou du côté du père, des sœurs qu'il avait ou des cousines. ces gens viendront. Ils prendront des choses dans les pièces, des meubles, les cuivres. Ils fouilleront, ils trouveront tout. Les autres, en face, les voisins, ils sont nombreux. Ils regardent, ils font des rapports aux gens de la mairie. Ils répètent, ils attendent pour les terres et la maison, pour avoir tout, acheter, prendre, avaler le bazar, devenir seul des deux côtés de la route, avoir les deux côtés à la fois, être partout, ouvrir les fenêtres des pièces, fouiller, vider, jeter, brûler. Ils feront des feux de papier et d'habits, là, derrière la maison. Ils enlèveront les traces des sentoirs. Ils trouveront tout. Ils voient ce vieux qui les gêne, qui reste là, un vieux de trop, qui vit trop, qui dure. Les femmes le surveillent. Elles sont bonnes pour ça dans cette famille. Elles passent, elles traversent la cour à linge, avec des corbeilles, pour faire semblant. Elles se plantent sur la route pour discuter, comme si la route était à elles aussi. Elles voient direct dans la cuisine par la fenêtre de l'évier. Il faut se cacher pour échapper, mais pas trop. Sinon, elles iraient dire qu'il est fou, qu'il tourne méchant, qu'il a toujours été un peu braque. Ça serait comme la maison du monstre chez Santoire. Et après, on le ferait porter fou ce vieux pour l'emmener, et la maison serait abandonnée. Le plus difficile, c'est le téléphone. Quand il sonne, comme si des gens étrangers étaient dans la maison pour écouter tout et comprendre ce qui se passe. Il sonne presque pas, presque jamais. On est obligé de répondre, on ne voudrait pas. On laisse sonner, mais il viendrait pour voir. Ceux qui ont appelé, les gens de la mairie ou d'une administration, où ils enverraient les voisins, une des femmes jeunes viendrait. Ils auraient le droit pour vérifier que tout va bien, comme ils disent, que ce vieux qui vit tout seul n'est pas tombé, qu'il n'est pas malade, bloqué dans son lit à faire tout sous lui, ou mort raide, la bouche ouverte, ou cassé en morceaux dans un coin de la maison à gémir et à se traîner sans pouvoir bouger derrière la porte ou devant la cuisinière avec la plaque électrique allumée, que c'est dangereux. On a mis le feu comme ça des maisons, on brûlait entièrement avec le vieux dedans, coincé, cuit, fait comme un rat. Ils disent que les vieux doivent prendre un animal, un chien ou un chat, pour la compagnie. Avec la télé et une bête, les vieux se supportent. Ils dorment mieux. Ils ont à qui penser. Ils parlent au chien. Ils vont à la promenade avec lui le long de la route. Ils le touchent. Ils l'attendent. Ils lui donnent à manger les restes avec une petite gourmandise en plus. Une tartine de beurre, un sucre, du chocolat, du saucisson. Ils font crever le chien à coups de nourriture. Après, quand ils trouveront, on ne sera plus là pour voir. On ne sentira rien, ni chaud, ni froid. Il faut bien jeter les ordures, en produire un sac plein, fermé et posé à côté des poubelles, rempli par les autres d'en face qui rangent rien et cassent et rachètent et changent d'affaires tout le temps. Ce vieux à son sac fermé en plastique noir solide. Il le noue. On ne sait pas ce qui est dedans, mais le sac tient debout contre le poteau en ciment. Ceux qui ramassent les poubelles sont de la mairie. Ils savent que c'est le sac du vieux Santoire. Ça suffit pour montrer qu'il ne vire pas fou, à garder ses ordures chez lui, à les entasser dans des coins où elles sentent mauvais, avec des rats, des blattes et d'autres bêtes molles et plates qui grouillent et se mettent dans les tas quand on lave plus, quand on est débordé, la complète débandade, quand on ne peut plus faire, se suffire, comme ils disent. Je me suis suffi dans la vie. C'est comme ça. Les ordures me gagneront pas. Dans le journal, ils avaient parlé d'une femme du côté de Saint-Flour qui avait vécu dans ces ordures. On l'avait retrouvée morte sur le fauteuil, elle n'allait plus dans aucune pièce. Tout était plein de choses entassées, même son lit. Elle couchait plus dedans, il était bourré, recouvert d'affaires. La femme était sale, il disait pas si bête, l'avait attaquée. Quand ils trouveront tout, ils jetteront, ils brûleront, ils auront du mal. Ils allumeront des feux ici, à côté, dans le pré de derrière, où ils enverront les affaires, les papiers à la décharge, dans des sacs qui déborderont. Les feux sentiront mauvais et dureront longtemps. Les gens sauront pas. Pour les personnes qui ont habité ici, ils se souviendront plus. Les fenêtres seront ouvertes. Je ne voudrais pas avoir vu ça. Ils iront dans les pièces. Ils feront de la lumière, du bruit. Ils nettoieront. Ils casseront les cloisons de planches. Les volets seront neufs. Des artisans viendront. Les autres d'en face feront des gîtes. Ils connaissent rien. Ils sont que des brutaux en agriculture et pour les maisons et le matériel aussi. Ils croient tout savoir. Des gens habiteront pendant les vacances, pour une semaine ou deux ou trois, avec des amis, des voitures, des randonnées, des barbecues, comme ils disent. Même que ça pue et qu'ils sont tous agglutinés dehors à manger des saucisses au lieu de s'asseoir chez eux, tranquilles, installés, confortables et propres. On les voit l'été quand on va sur la route jusqu'au tournant. Les deux maisons des Manicaudises sont louées comme ça, on voit tout. Ils ont pas de gêne de se montrer sur les terrasses, avec les cuisses et le ventre des femmes en maillot de bain, même pas habillées, comme elles seraient en soutien-gorge et en culotte. Elles se traîneront ici l'été au soleil dans la maison sans toit, pour se reposer, soi-disant. On se demande bien de quoi. On ne sait pas. On n'a pas connu les vacances. On ne s'est pas reposé. On n'a pas été fatigué. Les gens viendront ici dans la maison sans toit, rénovée, transformée en gîte, avec un petit panneau à l'entrée et le four à micro-ondes et le moderne. Le four à micro-ondes, je l'ai pris, obligé, pour réchauffer les repas de la mairie. Ils ont dit qu'il fallait. On ne pouvait pas résister. C'était mieux, c'était pratique. On ne salissait pas et on n'allumait rien. On appuyait sur le bouton et voilà, c'était bien chaud. En deux temps, trois mouvements. Elle dit ça, la femme qui livre les repas de la mairie. Les autres d'en face s'entendent avec ceux qui viennent en vacances. Les touristes avec des numéros d'étrangers sur les voitures. Ils louent les gîtes. Les femmes montent un peu sur des vélos. Elles ont des casquettes à élastique et les jambons gras, blancs, à l'air, qui dépassent de chaque côté de la selle. Les enfants crient. Ils sont plusieurs dans ces gîtes. Ils louent ensemble. C'est la mode des gîtes. Après, ça sera autre chose. Ils inventeront autre chose pour se distraire, avoir des loisirs, comme ils disent. Ils en parlent du tourisme vert dans le journal et à la télé. Ils y feront du tourisme vert dans la maison sans toit, toute vidée, toute curée des traces, quand ce vieux sera plus là. La femme de la mairie qui apporte les repas, c'est pour les ordinateurs aussi. Elle dit que les vieux dans les maisons, il faudrait les relier avec des ordinateurs pour surveiller comment ils vont, s'ils tiennent le coup. Elle en parle de ça. Elle peut toujours courir, moi, que je prenne l'ordinateur. J'ai déjà le téléphone et le micro-ondes qui sont modernes. Il faut juste appuyer sur les boutons pour l'ordinateur, elle dit la femme. Elle parle trop d'abord. Il ne demande rien, ce vieux, que les repas chauds, il paye pour ça. Je range dans ma tête. Il a tout là, ce vieux. Ça se voit pas. On le prendrait pour un demeuré. Mais je confonds pas les années ni les gens. Je me rappelle le nom des vaches, les numéros des plaques des voitures, des souvenirs de tout petit même. Les chansons de la femme qui venait pour le linge pendant la guerre, des chansons qui se comprenaient pas. Et quand le père est rentré de captivité en Allemagne. On se lave le corps debout au lavabo avec le gant. Il faut le faire bien et frotter aux endroits pour les odeurs. La femme de la mairie a le nez pointu. Elle aurait vite fait de dire que ça va plus, qu'il se laisse aller. Il a plus la force et l'envie. Ces vieux, c'est comme ça qu'ils finissent. Ils ont plus envie de rien devant la télé. On les met dans ces maisons ensemble pour les distraire, s'en occuper, les soigner, les laver comme des bêtes à l'étable, les tenir propres, linge et corps. Ils ont plus à s'occuper de rien. C'est mieux, vous auriez de la compagnie. Toujours tout seul, les hivers c'est long. C'est pas une vie pour les gens d'être isolés dans ces grandes baraques impossibles à chauffer. La femme de la mairie dit ça. Elle confond. On a les moyens. Le compte plein pour payer le fioul. On répond pas. Il attend le vieux, c'est tout. Elle croit qu'elle l'aura à l'usure. À force, il finira par faire comme tout le monde. Les autres de la commune, la mère Pradier et le père Boutal, qui sont partis en maison à Allanche pour l'hiver et s'en trouvent bien, au chaud, confortable. Ils disent « c'est pour l'hiver, vous reviendrez quand il fera bon ». On revient pas, on se ramollit dans les hospices, on devient plus capable de rien. Les vieux baissent tout de suite. Dans la maison sans toit, on baisse pas. On part d'un coup ou en 3 mois. Pas le temps d'engraisser les docteurs et les infirmières qui empêchent pas de mourir. C'est la maison qui veut ça. Partir d'un coup, net, propre, sec. C'est difficile pour aller à Riom chercher l'argent à la banque avec des personnes qui sont pressées et regardent sur les écrans des ordinateurs et parlent vite en euros directement et ouvrent les yeux. Elle s'énerverait quand elle voit que ce vieux comprend pas, qu'il a pas compris tout de suite, ou alors il fait semblant. Des femmes jeunes qui s'énerveraient comme si elles étaient fatiguées. Fatiguées de quoi ? À rester assises toute la journée derrière le guichet, dans le bureau bien chauffé. Pomponnées, faut voir, comme. Et payées pendant les congés. En veux-tu, en voilà, toujours à se plaindre, à réclamer le beurre et l'argent du beurre. On voit qu'elles n'ont jamais été au cul des bêtes. Elles savent pas le vrai travail commencer. Jamais finir. Tout ça, c'est derrière avec le reste. On n'a plus rien à s'occuper. Ils trouveront tout. On attend. Tranquille. Eh oui, tranquille, tranquille. On attend tous d'ailleurs, hein, des fois. Bien, la musique de Jacques Brel, bien sûr. Les vieux. Elle était bien trouvée, cette chanson. Passez une très bonne semaine et à tout bientôt. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières.